Des flamants élégants. Les flamants sont des oiseaux roses. Ils vivent près de grands lacs. Ils ont un long cou et de grandes pattes. Les flamants et... Regarde ce flamant. Regarde l'enfant. Ils ont la même taille. Regarde ce flamant. Il ouvre ses ailes. Il paraît encore plus grand. Le flamant a des plumes roses. Les flamants aiment nettoyer leurs plumes. Ce flamant nettoie ses plumes. Chaque jour, il passe des heures à les nettoyer. Les flamants aiment vivre avec d'autres flamants. Regarde comme ces flamants sont nombreux à cet endroit. 1 million de flamants peuvent vivre au même endroit. Le flamant capture sa nourriture en plongeant sa tête à l'envers sous l'eau. Quand sa tête est sous l'eau, le flamant ne peut pas respirer. Le flamant aspire l'eau et la nourriture avec son bec. Regarde dans le bec du flamant. Il y a des lamelles. Dans son bec, la nourriture reste prise entre les lamelles. Les flamants sont roses à cause de ce qu'ils mangent. Si un flamant ne peut pas manger de plantes ni de poissons, il devient gris.